un rap conscient. Le 200%, on veut pas de faux semblants. Black, blanc, beurre, une seule race, avec ses différences. Imagine que nos cultures étranges apprennent à vivre ensemble. On aimerait changer les choses en apnée pour ne pas se noyer, car la vie est morose. Regarde autour de toi, rien ne s'arrange, tout s'empire. J'ai peur de ce que peut nous donner l'avenir. J'ai peur, et je crois que de le dire, ça me délie. J'ai signé le RAP pour le meilleur et le pire. À la vie, à la mort, c'est l'amour de ma vie. C'est le 200% qui s'exprime comme un accord, c'est une part de nous-mêmes. Je te l'accorde, on en apprendra d'autant plus sur nous-mêmes. La vie nous appartient, encore faut-il savoir la prendre hardcore pour arriver à ses fins. RAP, ma seule passion, le MIC. Le virus s'est lancé, il se propage aussi vite que le HIV. Comme un accord militant de la paix. RAP, ma seule passion, le MIC. Le virus s'est lancé, il se propage aussi vite que le HIV. Comme un accord, ne jamais oublier. J'en profite et porte une santé à tous ceux qui nous soutiennent depuis le départ. Ceux qui nous produisent par amour plutôt que par profit du fond du cœur. Le 200% vous remercie. Un rap pour tous les frères absents, je me devais de leur dédier ce maxi. C'est hard pour tous ceux qui sont restés présents. Je m'implique, m'applique à te faire ressentir ce qu'il y a dans nos tripes. Je pense à Julien, sa jeunesse mis à mal, assassiné pour rien. Si je croyais en Dieu, je lui demanderais de prendre son âme. Je pense à Olive, à Gabi, à Rémi et j'ai mal. N'allez pas croire que je vois tout en noir. Je suis conscient de tout ce que me donne la vie. Elle est pleine d'espoir. Je voudrais te faire rire, notre talent ne situe pas là. RAP, ma seule passion, le MIC. Le virus s'est lancé, il se propage aussi vite que le HIV. Comme un accord militant de la paix. RAP, ma seule passion, le MIC. Le virus s'est lancé, il se propage aussi vite que le HIV. Comme un accord, ne jamais oublier. RAP, ma seule passion, le MIC. Le virus s'est lancé, il se propage aussi vite que le HIV. Comme un accord militant de la paix. RAP, ma seule passion, le MIC. Le virus s'est lancé, il se propage aussi vite que le HIV. Comme un accord, ne jamais oublier. Ce morceau est dédié à tous ces jeunes des quartiers qui nous ont quittés trop tôt, on ne peut pas les oublier. À chaque vie volée, c'est une part de nous-mêmes qui s'est envolée. La vie continue, profitons du présent, le passé est derrière. Comme on te l'a déjà dit, on ne peut pas oublier. Redouane, Jason, Rida, Moram, c'est les autres. Reposez en paix.